C'est pour ça que tu t'en vas pas de sa tu t'en vas dans ta chambre et puis peut-être qu'il est resté. Une bonne baguette, fraîche, croustillante, du beurre demi-sel, du fermier, oui, une table. Je parle au mur. S'il vous plaît. On a gagné au fond. La plaine qui bouge. C'est bon. Bon, on va essayer de gérer. Ça sert de l'âge. Ah oui. Peut-on m'aider, s'il vous plaît? Vous savez venir. Je ne peux pas y aller. Je peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? D'habitude, vous y allez toute seule. Ah oui, mais là, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Alors, c'est un on nous écoute? Oui, si, c'est vrai. Ça va être enregistré, ça va être ici. Non, mais si. Ça sent bien. Viens, maman.